Le passage de l'astralisation à l'éthérisation d'une conscience. Ici David Lévesque au micro, en compagnie de Marc de la Salle. Quelle est la différence entre l'astralisation et l'éthérisation? L'astralisation part du principe de l'âme. L'éthérisation part du principe de l'esprit qui habite l'ego. Donc, l'astralité veut toujours dire que l'ego est sous l'influence des lois de la mort, des lois de l'âme. Et éthérisation signifie tout simplement que l'ego a transcendé tout le mémoriel qu'il habitait en lien avec sa vie incarnationnelle au niveau de l'âme, et que toutes les mémoires ont été élevées à un état pur qui ne permettent dans la mémoire aucune réflexion. Si une personne, supposément, en arrive à avoir une mémoire qui la ramène à expliquer quelque chose sur son passé, elle ne la vibre pas nécessairement. Mais elle l'utilise pour expliquer à une personne ou à un ami ou un collègue ce que représentait telle expérience dans sa vie et comment elle a dû manifester son autorité pour s'en départir complètement. Donc, pour passer de l'astralisation à une conscience éthérique, il faut absolument regardez toutes les mémoires qui sont liées à la vie de l'ego, à la vie de l'âme, puis qui renouent l'individu dans sa conscience mentale à la réalité qu'il est mortel. Pour brûler là, la conscience mortelle de l'ego, il faut absolument que l'ego meure à son passé. Cela veut tout simplement dire qu'il se permet, dans son autorité, à monter sa vibration pour comprendre pourquoi il a vécu ces mémoires-là, afin que l'enjeu de l'esprit devienne beaucoup plus grand dans sa vie personnelle que l'enjeu de l'âme lié à la réalité que quand tu t'incarnes dans la matière, éventuellement tu dois mourir parce que tu ne peux pas être immortel. L'éthérisation, on est vraiment ailleurs. OK. Est-ce qu'il y a une lutte entre les forces d'astralisation et d'éthérisation qui ferait rage présentement dans l'éther de la Terre? Plus que jamais, pour la simple et unique raison que il y a des milliards d'âmes qui ont été soumis au processus de l'involution. Ça veut dire que quand une âme a été créée, elle avait en parallèle un esprit, mais ça a été oublié dans l'exercice de l'incarnation de l'âme dans la matière pour qu'elle se développe un ego. Puis, sur les plans de la mort, sur tous les plans de la mort, c'est plus difficile sur les bas plans, mais sur les hauts plans, il y a cette manifestation-là des âmes à vouloir garder le contrôle de l'individu sur la terre, parce que ça lui sert, eux autres, en tant que mortels dans le plan de la mort, à se donner l'illusion d'être les reines qui tiennent l'évolution de l'homme. Et c'est pour ça qu'ils font interférence beaucoup avec la descente de l'esprit dans l'homme. Mais une fois que les âmes des hauts plans se sont assez allumées, se font expliquer comment ça se passe et pourquoi la lutte les dessert. Ils changent tranquillement leur fusil d'épaule en relation avec le fait qu'ils comprennent qu'ils se tirent d'un pied en n'étant pas capables de reconnaître que sur la Terre, le principe incarnationnel de l'âme est à sa fin. Donc l'involution est vraiment sur le point de se terminer, de là la grande lutte qui se fait sur les plans invisibles. Et quel est l'impact de cette lutte sur les plans invisibles par rapport à la psyché de l'homme qui s'éveille à l'époque actuelle? Sur l'impact que l'homme vit sur la planète Terre, c'est une augmentation des âmes, okay, qui essaient par tout moyen de prendre contrôle de la psyché de l'homme parce que elles sont soumises à des forces luciférienne qui les poussent à croire qu'est-ce qu'on leur dit en tant que réflexion de lumière. Les plans de la mort sur les hauts plans ont accès à une lumière, okay, qui est colorée par le niveau vibratoire des âmes qui sont venues sur la Terre, mais qui ne sont pas allées en esprit. Puis quand ils ont monté sur les hauts plans de la mort, ils ont quand même accès à de la voyance. Si on prend tous les gourous sur la Terre qui sont plugués avec des hautes entités spirituelles, donc sont plugués avec des entités sur le haut plan de la mort, qui, elles, ne sont pas à l'abri de la réalité que l'homme, le jour qu'il va les dévoiler, ces entités-là vont être obligées d'accepter la volonté de l'homme, sinon ils vont perdurer dans le cycle de la mort, et cela va les faire souffrir davantage parce que ils auront perçu vibratoirement que l'homme est beaucoup plus avancé qu'ils ne le sont. Et cela, ça va être un grand choc pour ces âmes-là. Puis, si tu es en contact, David, avec une entité du haut plan de la mort et tu veux l'informer de cette réalité-là, il va y avoir une lutte incessante contre ton mental jusqu'à temps que cette entité-là sache que elle ne peut rien contre toi parce que ton taux vibratoire l'oblige à se dévoiler complètement à toi et elle ne peut pas essayer de t'intimider en te faisant croire qu'elle possède des informations qui pourraient te faire évoluer. Et de là, le grand mensonge cosmique qui entre en jeu dans cette lutte de pouvoir-là parce qu'il est utilisé abondamment étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de circulation d'informations réelles sur la Terre en lien avec ce que c'était l'éthérisation ou la conscience éthérique ou encore la conscience universelle ou la conscience supramentale. Et concernant les entités des hauts plans de la mort, est-ce que elles vont chercher à retarder, dans beaucoup de cas, l'éthérisation de l'humanité de manière à poursuivre là, leur domination qu'elle avait là, depuis des millénaires là, sur la psyché des humains? C'est pas nécessairement eux autres qui le retardent. Faut comprendre qu'il y a des forces sataniques et luciériennes qui sont derrière l'agenda de l'équilibre d'un cosmos. Puis cet agenda-là était nécessaire parce que pour bloquer le trop-plein de lumière qui allait descendre dans le mental de l'homme, on a donc créé autour de la Terre un genre de paravent où la lumière était diminuée. Est-ce que les plans de la lumière savent ce que font les plans luciferiens et les plans sataniques, ils le savent très bien, mais est-ce qu'ils sont obligés d'intervenir? Pas pour le moment. Donc, autrement dit, les plans de la lumière sont conscients que quelque part, la descente de leur énergie sur Terre est retardée et ne vont pas nécessairement accélérer les choses. Ils n'ont pas besoin d'accélérer les choses en autant qu'ils savent ce qu'ils font en lien avec le développement de la conscience éthérique sur la Terre. Leur travail au plan de la lumière, c'est de vérifier si ce qu'ils ont amené comme information se manifeste et se développe ouvertement et librement dans l'homme. C'est cela qui les intéresse parce que sur les plans, ils ont déjà des combats pour intercepter de trop grandes obstacles de noirceur qui viendraient vraiment, vraiment brimer. Par exemple, si tu prends quelqu'un qui est en processus de conscientisation, c'est certain que la noirceur va augmenter son degré d'isolement sur lui et d'un autre côté, l'isolement est nécessaire pour que l'homme prenne vraiment conscience de ses polarités, de ses forces. Mais est-ce que la lumière est prête vraiment? Est-ce qu'elle est prête vraiment à laisser complètement une entité du monde de la noirceur venir chevaucher totalement la conscience de l'homme pour qu'il se suicide? Elle n'intervient que très peu parce que Elle sait très bien qu'à quelque part, si elle intervient trop, le processus dans lequel l'homme doit se mettre en autorité va être intercepté d'une autre manière. Et il y a un jeu de give and take. En français, je ne sais pas qu'est-ce que ce serait là, mais il y a toujours un peu. On en laisse un peu, on regarde, on étudie, on prend des notes, puis après ça, on réajuste le tir. Donc, au niveau de la conscience de la fusion en 1969, lorsque ça s'est produit, ça a pris du temps avec la première conscience s'équilibre avec ces forces-là. Mais si lui, cette personne-là qui était Bernard de Montréal, n'aurait pas été capable d'assumer toute la froideur de la lumière dans ce processus-là, c'est certain que ceux qui parlent de conscience supramentale aujourd'hui ne seraient possiblement pas en train d'en parler parce que lui n'aurait pas été capable de se descendre toute l'information et le matériel nécessaire, qui voudrait dire que les forces de la noirceur auraient été trop puissantes pour que l'homme puisse avoir accès à de l'information. Donc, tu vois un peu ce que je dis dans le give and take, c'est que on va à tâtons pour essayer de voir avec très, très lucidement la capacité de l'homme à surpasser, mais surtout à élever son mental quand dans sa vie ça va le plus mal. Pas quand ça va le plus bien, quand ça va le plus mal. Donc, autrement dit, la personne est testée par rapport à son intégration de la lumière. On peut appeler ça des tests parce que on a toujours vu la lumière comme une capacité d'amener l'homme aux dernières portes de ses craintes. Et quand l'homme comprend que ce que la lumière veut, c'est qu'il soit absent de crainte, il ne se sent plus nécessairement testé. Il comprend beaucoup plus l'enjeu en lien avec les craintes qu'il a. Donc, il sait très bien que la lumière n'a pas que ça à faire, tester l'homme, parce qu'elle veut qu'il soit intelligent et qu'il rentre dans son autorité. Donc, est-ce que le test continuellement, elle va l'amener aux portes de ses craintes pour voir comment il va agir? Puis, c'est à l'homme, s'il y a une conscience éthérique qui se développe en lui, il va comprendre que plus il est impersonnel dans ses craintes, plus il est capable de les surmonter, de les traverser. En ce sens que d'être impersonnel, c'est de ne pas les réfléchir, de ne pas les émotiver. C'est en gros ça. Puis si on va plus loin, ce serait tout simplement de prendre son taureau par les cornes et de mettre sa colère dans son mental pour que son feu augmente afin que la prochaine expérience qu'il va vivre en similarité avec cette réalité-là l'amène à débloquer son feu cosmique. Donc, autrement dit, la prochaine fois qu'une personne est confrontée à un événement adverse, il soit capable de se mettre en opposition contre les plans pour allumer le feu de sa conscience éthérique. Ouais, contre les plans, mais aussi contre sa propre astralité. Parce que dans cette propre astralité-là, il ne faut pas oublier que derrière une crainte, il y a qui? Il y a toujours le plan luciférien qui subordonne une entité sur le plan de la mort pour chevaucher l'homme afin qu'il se réfléchisse ou qu'il vive l'impuissance de penser que sa vie est inutile ou qu'elle ne va nulle part. Alors que lorsque l'homme comprend que le feu qui doit s'allumer en lui a été un précepteur ou un élément important pour l'amener à traverser sa crainte. Il se sent pas testé quand il traverse sa crainte. Il se sent beaucoup plus triomphant de la réalité qu'il a été tout simplement manipulé pour être dans l'ignorance de qui il était. Et par rapport à la conscience qui vit le processus de transition, donc le passage de l'astralisation à l'éthérisation, est-ce que à travers ce passage-là, elle doit nécessairement s'astraliser dans un premier temps pour pouvoir s'éthériser ensuite? Toutes les consciences qui sont incarnées sont toutes astralisées. Il n'y a pas une conscience sur la Terre qui est descendue éthérique en partant. du fait que l'homme ne savait pas d'où il venait et qu'est-ce qu'il venait faire sur la Terre veut déjà dire qu'il était astralisé. Mais C'est-à-dire la conscience qu'il... des initiés. Ben, même Bernard de Montréal a été astralisé dans sa vie personnelle et il a dû vivre parce que, supposons, on prend un initié qui s'incarne en 2018 et qu'il veut être impersonnel au niveau de sa vibration, puis totalement esprit dans la matière, sans avoir à vivre le monde de l'âme, il s'ennuierait pas mal sur la planète Terre en ce moment. Parce que pas assez de beauté pour égayer son mental. Mais s'il serait dans l'esprit, il serait capable de contenir le vide s'il y avait une conscience intégrale. Si ça se fait en partant comme ça, puis il est capable de, supposons cet homme, cette femme ou cet homme-là se fait 50 dans la matière, puis elle est capable, elle serait envoyée par les forces de la lumière pour créer une réalité quelconque. Elle serait vraiment ciblée pour venir faire évoluer des plans d'énergie. Est-ce qu'il y en a de ces gens-là sur la planète Terre présentement? Ta réponse, ce serait quoi, David? Non. Ouais. Moi aussi, je pense que la lumière préfère que l'homme se développe vers cette identité-là et qu'il ne soit pas aidé par personne pour y arriver, sinon que lui-même, sinon que ce soit lui qui rentre dans ses forces. Tu sais, si tu prends le travail qu'a fait le Nazaréen, qui était ce genre d'initié-là que tu parlais, okay, qui venait d'une planète complètement autre que l'involution concernant la conscience des sphères involutives dans le cosmos de la Terre, lui, il n'appartenait pas à ça, alors que Bernard de Montréal appartenait aux sphères évolutives et involutives et évolutives de la conscience de la Terre, alors que le Christ, ce n'était pas ça. Donc, le Nazaréen, lui, l'impact qu'il a créé par la suite, si on voit, c'est que l'astralité des gens a été aussi très, très augmentée en lien avec le fait que ça a créé une religion, hein? Puis ça a augmenté aussi l'aveuglement de l'individu en lien avec l'invisible, qui est nécessairement brisé avec la conscience. Donc, s'il y avait un être éthérique qui descendait dans la matière aujourd'hui, il serait obligé de nous parler à nous. Puis nous autres, on serait capable de détecter dans sa parole le mensonge qu'il veut véhiculer. Parce que présentement, ce ne serait pas le temps d'avoir des initiés comme ça. Parce que l'homme doit s'individualiser, puis pour entrer dans sa parole, il doit lui-même se désastraliser. Il ne peut pas demander à une force supérieure, plus grande que lui, de le faire. Et quand le Nazaréen est venu sur la Terre, lui a désastralisé le corps animal de l'homme t'sais, en amenant le principe qu'un jour l'amour allait descendre, aimez-vous les uns les autres. Il a enlevé à l'homme l'illusion qu'il ne devait pas aimer l'homme. Et que le pouvoir qui était orchestré dans une conscience, parce que si on se met, ramène à l'époque, il y avait très peu de gens qui avaient accès au pouvoir, mais le pouvoir des rois était absolu sur le peuple. Et lui venait un peu défendre la réalité que le peuple n'avait pas assez d'autorité pour se défendre des rois. Mais d'un autre côté, c'est un principe d'amour qui devait descendre pour amener les hommes à réaliser que on est tous humains, on est tous dans le même bateau pour réparer l'injustice ou l'impression de l'injustice qu'il y avait envers les rois. Les hommes avaient besoin de leur propre roi. C'est pour ça qu'il était considéré comme un roi, le Nazaréen. Et par rapport à le passage d'une conscience astralisée à une conscience éthérique, comment que une personne qui pense ou qui croit vivre le processus peut en avoir une certitude qu'elle l'expérimente bel et bien, que c'est réel? C'est sûr que ça se fait tranquillement, tout cela, parce que le principe de la pensée, une fois qu'une personne prend conscience que ça parle dans sa tête, puis c'est pas nécessairement elle qui pense, est obligé de se poser la question d'où ça vient donc la pensée si c'est pas moi qui pense. Puis quand elle prend conscience que la pensée vient d'ailleurs, elle doit se poser ensuite la question, ben quelles sont les personnes qui ont intérêt à la désinformer? Puis quand elle est capable de répondre à ça, elle comprend très bien qu'il y a une dualité qui se crée dans la pensée, parce que d'un côté, la lumière veut que l'homme soit désinformé jusqu'à temps qu'il se rebelle contre le fait qu'il est désinformé. Donc, pour se désastraliser, puis pour passer une conscience éthérique, je te dirais qu'il faut que la personne accepte le jeu de l'involution totalement. Faut que, tu sais, on ne peut pas être subjectif quand on parle de l'involution, mais si on est objectif, on peut dire que ça avait sa nécessité, mais que son temps est pratiquement terminé en relation avec le fait que l'homme a accès à l'information qui lui permettent maintenant de se désastraliser, ce qui n'était pas le cas pendant des millénaires. Il n'y a pas personne qui s'est désastralisé dans le sens qui a compris vraiment que le monde de la mort, que l'homme était mortel. Oui, il était lumière. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans les hauts plans spirituels, même sur la terre, les prêtres, les curés et tout ça, savaient très bien qu'ils parlaient à Dieu, puis que Dieu était la lumière. Mais d'un autre côté, ils ne savaient pas que Dieu n'était pas nécessairement la lumière, mais que c'était une cristallisation de la volonté que la lumière soit un dieu, que ça Donc, soit ça une c'est. autorité supérieure. Ouais, mais c'est ça, à ce moment-là, on parle d'une autorité qui est astralisée par le regard de l'homme, qui est pas. Oui, ouais, puis la lumière, je savais que ça créerait dans le cœur de l'âme, un baume pour l'amener à ne pas trop se suicider, sachant que Dieu le regardait. Puis, qu'est-ce que tu penses que les forces de la noirceur ont fait en lien avec ça, d'un autre côté? Ils en ont profité pour utiliser ça pour dominer l'homme. Ben, c'est ça. Ils l'ont totalement assujetti l'homme à l'invisible. Et en étant totalement assujetti à l'invisible, ça a pris des gens ou des philosophes comme Nietzsche, qui ont dû contester Dieu, ou des athées qui ont contesté Dieu, puis les scientifiques qui ont contesté Dieu aussi, pour amener l'homme à être moins naïf. Parce que la naïveté, OK, elle sert énormément les plans de la noirceur. Oui, parce que ça ouvre la porte sur la croyance. C'est cela. Et la croyance, c'est possiblement avec la culpabilité, les deux noyaux les plus importants qui vont nourrir de la crainte dans l'homme. Et quand que l'homme est dans soi de la culpabilité et de la croyance, il ne sait même pas qu'il crée ses pensées, qu'il croit ses pensées et qu'il leur donne une autorité. Donc, quand il lui donne une autorité, après ça, il se sent coupable de l'avoir donné une autorité à quelque chose parce qu'il se rend compte qu'il manque de respect aux gens autour de lui, et etc. Tous les gens qui abusent d'une femme en 2008, en 2018, vont le faire d'une façon totalement possédée par la noirceur, en lien avec le fait que, vu que l'information de la femme et de s'émanciper de ces forces négatives-là, elle a une capacité de parole plus grande aujourd'hui. Puis tout homme qui va manquer de respect à cette condition-là va vraiment, vraiment couler, OK? Parce que il n'y a pas une opposition plus grande que la contestation d'un verbe qui est intact. Parce que quand la femme décide que l'avortement, c'était son corps, c'est elle qu'elle avait décidé. Puis, sous les plans de la lumière, sous les lois de la lumière, c'est comme ça que ça doit se passer. Mais imagine tous les ceux qui sont pro-vie puis anti-avortement, parce qu'ils veulent encore que une valeur religieuse ou une traditionnelle ait autorité sur la femme. Parce qu'on n'accepte pas que l'autorité de l'individu soit plus grande que tout ce qui vient de l'invisible. Et la femme va avoir moins de crainte dans ce processus-là, puis elle va vivre moins de culpabilité. Plus le savoir circule, moins la personne vit de culpabilité, et plus elle ne croit pas en des autorités aveugles qui sont sur les plans invisibles. Donc, l'astralisation d'une conscience, c'est tout ça. C'est le processus de la pénétration de la croyance qui amène aussi de la culpabilité, du doute. Puis ensuite, tout ça nourrit quoi? Ultimement, ça nourrit de la crainte. Et est-ce qu'on peut dire que le corollaire de l'astralisation, c'est la réactivité émotionnelle? La réactivité? Émotionnelle? Bien, c'est sûr que quand c'est nourri par le corps émotif, puis que l'homme ou la femme ne comprend pas que le corps émotif, qui est le chakra là, le plus important pour les plans de la noirceur ou une âme, pour faire vibrer un ego, c'est certain que une personne se fait vraiment varloper par l'astral sans le savoir. Parce que tu peux pas être froid dans le fait que tu perds une femme qui se fait violer ou violenter, puis elle décide, par exemple, de se faire avorter parce qu'elle ne veut pas mettre cet enfant-là. Ça viendra pas du jour au lendemain, sa froideur. Mais avec les lois de l'esprit ou les lois qu'on explique aujourd'hui, qui circulent aussi en société, elle a plus de chances d'être neutre par rapport à cela parce que elle peut comprendre que son expérience en lien avec le viol ou en lien avec l'avortement est liée à de la mémoire pour nourrir dans son mental de la crainte. Donc, si on parle d'éthérisation, une conscience éthérique, c'est un mental qui est absent de crainte. Avant d'arriver à une absence de crainte, il y a des étapes. Donc, il y a toujours eu des étapes, mais l'homme ou l'individu, la femme, n'aime pas non plus penser qu'elle a des étapes à franchir parce qu'elle, depuis le début des temps, la race de l'homme est impatiente pour arriver à son but. Puis elle accepte difficilement que, des fois, ben, il faut absolument qu'elle vive telle astralité pour comprendre tout le grand portrait de son âme en lien avec l'astralisation de sa conscience, puis en tant qu'ego, quelle mort l'ego doit-il vivre pour revenir dans un centre gravitationnel absolu au centre de l'esprit pour ne plus permettre à aucune crainte de le pénétrer en lien avec le monde de la mort. Puis, parce que le monde de la mort nourrit chez l'homme la crainte de la mort, et il nourrit aussi chez l'homme la crainte de sa propre lumière. Pour garder le contrôle. Pour garder le contrôle. Il l'aveugle, l'homme est aveuglé, tu sais, il ne veut pas se penser plus grand. Puis d'un autre côté, il faut qu'il ait fait les étapes ou le cheminement nécessaire pour en arriver à voir lui où il est rendu dans sa conscience prépersonnelle. Une personne qui, dans une journée, est négative dans sa parole, ne peut pas penser qu'elle est dans l'éthérisation de conscience. Là. Donc, il y a un chevauchement. Si elle n'est pas capable de tout le temps être neutre en relation avec les expériences qui peut y arriver, elle est en train de faire à souper, puis ça déborde complètement, elle échappe sa sauce par terre. Ne pas savoir qu'il y a une orchestration pour voir la tester dans sa capacité d'être neutre. Mais une fois que tu es neutre, tu n'es plus testé. Parce que tu comprends très bien que tout ce qui arrive dans une vie, ça ne t'appartient pas. Mais est-il possible que lorsque la personne est plus neutre dans sa psyché, les gens de son environnement soient testés pour voir si elle va émotiver son rapport à son entourage? C'est sûr que les gens dans son entourage, David, sont utilisés. Est-ce qu'on appelle ça tester? Le mot tester, je pourrais le définir clairement, c'est quand tu ne sais pas. Une fois que tu sais, tu n'es plus testé. Tu es d'accord? Ben, la personne peut être consciente de qu'est-ce qui se passe. Donc, tu es en ajustement de conscience à ce temps-là. Oui, on peut le recadrer comme ça. Parce que je ne sais pas si le mot tester, on l'a peut-être surabondamment utilisé. Je ne dis pas qu'il ne doit pas être encore utilisé, mais dans le processus d'une conscience, si je demande aux forces de la lumière, quel est le désavantage de penser que vous testez tout le temps l'homme? Il me dit ceci, il n'arrive pas à voir que l'autorité qui le pénètre et qui doit le pénétrer n'est pas en lien avec l'expérience, mais beaucoup plus en lien avec le feu qu'il a pour savoir finalement que la vie, c'est un processus d'expérience et que si lui est totalement neutre dans sa capacité à voir que la vie, c'est de la merde, il ne lui donne plus de valeur à la vie. Fait qu'il n'est jamais testé. Faut qu'un l'homme en arrive à plus te donner aucune valeur à la vie. Sinon que avoir la paix. Puis tu sais, s'il se passe quelque chose, lui, sa paix n'est pas brimée parce que dans la froideur de l'événement, il casse, supposons, un verre dans son salon. Jadis, on aurait pu se mettre en crise par la manipulation. Sur l'autoroute, supposons, il y a quelqu'un qui te coupe. On pourrait se mettre en crise contre... Ça, c'est voulu. Puis l'homme, il va se mettre en crise parce qu'il doit monter dans son autorité en lien avec son verbe, sa parole, puis sa conscience éthérique. Mais une fois qu'il est dans une conscience éthérique, il reconnaît l'astralité de l'événement, mais ça ne lui appartient pas. Parce que lui-même n'appartient plus à la Terre. Il vit sur la Terre. Lui, tout ce qui l'intéresse dans sa conscience éthérique, c'est se donner du plaisir qui permette à son esprit de relaxer. Le reste, de vouloir se mettre en crise, ça ne l'intéresse pas trop, parce qu'il est déjà dans un processus de neutralité pour comprendre que l'astral ne reculera devant rien pour essayer de le récupérer. Fait que, qu'elle fasse tomber une bombe à côté de lui, il va dire, bon, ben, la bombe a tombé à côté. Mais c'est sûr qu'il n'ira pas en Syrie là, pour qu'une bombe tombe à côté de lui. L'homme qui s'est incarné en Amérique du Nord savait très bien que l'astralisation de la société est beaucoup moins grande que dans les pays où il y a la guerre et que la capacité de l'intelligence de surmonter les grandes épreuves de l'humanité vont être beaucoup plus faciles dans une société où les gens sont instruits parce que, à quelque part, leur mental est beaucoup plus élevé en vibration que, tu sais, mais ça veut pas dire que ces consciences-là sont des plus belles âmes que d'autres âmes en Afrique. Ça veut simplement dire qu'il y a un potentiel pour supporter dans un mental suffisamment de lumière pour garder un équilibre et amener des principes en société. Mais est-ce que l'amour de l'homme, le principe de l'amour est inclus dans ça? Aucunement. Il peut y avoir plus d'amour pour l'homme en Afrique d'une personne envers une autre qu'il peut y en avoir en Amérique du Nord. Ce n'est pas une question d'intelligence, la conscience, c'est une question de volonté, d'intelligence et d'amour. C'est un principe qui les relie les trois. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que l'astralisation et l'éthérisation de la conscience sont en relation avec un phénomène de contagion psychique? Contagion psychique, explique. Au niveau physique, il y a des phénomènes de contagion, par exemple avec un virus, Ah, OK. comme la grippe saisonnière. Est-ce qu'au niveau psychique, il peut exister des phénomènes de contagion? Non. Non. La psyché d'une personne, elle appartient soit à la noirceur ou soit à la lumière. OK? Il y a pas personne qui va être capable de mettre en vibration sur la matière un esprit à de la noirceur. Une fois que l'esprit est deux pas dans la lumière, il recule pas. Il peut pas, il en sortira pas. Parce que même si cette personne-là n'en arrive pas à savoir intégralement ce que c'est de la lumière, c'est pas elle qui va rentrer dans une école puis de massacrer tout le monde. OK? Elle peut vivre des grandes souffrances, mais ces souffrances seront pas chapeautées par les plans de la noirceur qui, eux veulent la contagion du phénomène, tu sais. Il y en a énormément de personnes qui ont la capacité aujourd'hui d'entrer dans une école puis de faire des dégâts ou aller en société puis d'amener des fusils. Donc, l'astralisation est très forte en Amérique du Nord parce que la polarité des consciences entre le bien et le mal a toujours été grande sur la Terre. Puis il faut pas penser que c'est pas aussi grand en Moyen-Orient. Dans les mêmes pays, les peuples s'opposent et deux peuples qui parlent la même langue vont s'attaquer l'un l'autre pour le pouvoir. On a simplement pensé ce qui se passe au Congo ou aussi les Rizinga, je pense, dans le coin de l'Inde, au Ménard. Donc, c'est tous des En exemples. Birmanie. Birmanie, où la force, okay, de la contagion de l'astral est beaucoup plus puissante. Parce que les systèmes de lois dans la société n'ont pas été assez développés pour défendre l'individu de la débandade en lien avec des hommes de dictature qui ont créé dans certains pays tellement de désordre qu'il y a des pays qui sont irrécupérables. Et avec ces pays irrécupérables, qu'est-ce qui va arriver lorsqu'une masse critique de gens auront vécu une éthérisation de la conscience? Bon, si la lumière veut parler de ça, c'est très facile à comprendre pourquoi qu'elle permettrait de parler de ça, en lien avec le fait que il y a des âmes qui ne peuvent pas monter en vibration suffisamment pour permettre l'éthérisation de la Terre. Ce processus-là est perceptible dans des pays où il y a la guerre et que les âmes ne pourront pas bénéficier d'une éducation à court terme. Donc, si une âme ne peut pas aller dans une école et ne peut pas devenir indépendante au niveau de l'esprit, elle est donc prisonnière de la tradition, elle est prisonnière de façon de penser qui, peut-être, là, 350 ans, est encore nécessaire pour développer des âmes, mais plus on inverse le processus de l'involution sur la Terre, plus on se rapproche de la réalité que la lumière va descendre. Et pour que la lumière descende, il n'y a pas d'âmes qui peuvent être retenues ou protégées dans ce sens que s'ils ont été habités par la noirceur pour se détruire, ils devront l'être, mais la grande récupération se fera dans le passage sur le plan de la mort et il y aura possiblement une autre planète où ils pourront aller s'incarner pour ne pas retarder éventuellement le processus d'éthérisation de la Terre. Donc, est-ce qu'il y a des coins de pays sur la Terre qui vont être pulvérisés au niveau du climat, c'est fort possible. Au niveau de tout ce qui s'en vient, il y a des endroits beaucoup plus privilégiés au niveau de l'éther, de la vibration, pour être isolés des grands cataclysmes. Nécessairement, si une personne vivait au Moyen-Orient, elle voudrait quitter cet endroit-là, comme Einstein a quitté l'Allemagne en 1932 lorsqu'il voyait qu'est-ce qui se passait en Allemagne. Donc, tous les êtres qui sont supposés être ailleurs pour accélérer le processus d'éthérisation de la conscience le savent déjà où ils doivent être. Ceux qui vont rentrer en contact avec l'information qui est véhiculée aujourd'hui, surtout avec Internet, qu'ils soient n'importe où ailleurs dans le monde, vont savoir que s'ils ont quitté leur pays, ils vont le faire. Et il n'y a pas nécessairement seulement en Amérique du Nord qu'il y a des éthers où la lumière va mettre ses ancrages. Il y a d'autres endroits dans le monde aussi et ces gens-là auront à le reconnaître. Tout à fait. Et tantôt, je parlais de contagion psychique. Il m'était venu en tête l'idée d'aborder le sujet des vidéos virales. Donc, à l'époque des nouvelles technologies, il y a certaines vidéos qui sont relayées par plusieurs personnes, notamment par les réseaux sociaux. Et il y a une propagation rapide d'une idée un peu partout à l'échelle du globe. Oui, parce que le pourcentage de l'Internet. Si on regarde une conscience, là, quelqu'un qui est complètement aveugle, qui n'est pas conscient des plans parallèles, a 1% de connexion. Des fois, c'est moins que ça avec la lumière, tu sais, pour que la lumière reste en contact avec l'esprit brille toujours. Même le le vagabond ou l'itinérant sur la rue Sainte-Catherine, s'il est en contact avec quelqu'un, avec sa lumière, il va y avoir une étincelle de lumière qui va se passer dans ses yeux. Ça va peut-être durer 2, 3 secondes, mais tranquillement et rapidement, les entités qui le chevauchent vont revenir. Tant qu'une âme est sur la terre, elle est pluguée à quelque part à de la lumière. Mais cette lumière-là ne veut pas dire que elle permet d'être entendue et d'être mise en puissance. Elle est éteinte, elle reste à moins qu'à 1% pour certains cas. Et c'est la même chose avec l'Internet. Si tu prends tout ce qu'il y a sur Internet, c'est quoi le pourcentage qui est en lien avec de l'intelligence? C'est quoi le pourcentage qui est en lien avec la capacité de désinformer et aussi de manipuler? Ce serait quoi les pourcentages? Qui est en lien avec l'intelligence, je dirais moins d'1%. Bon, donc c'est similaire dans les plans, sur les plans invisibles, parce qu'on est seulement au début du processus d'inversion. Et le fait que le processus d'inversion était possible, c'est que la lumière a toujours permis, toujours été en contact avec l'homme, même de très très loin, pour qu'il ne se suicide pas. T'sais, ce serait très facile pour l'homme de se suicider parce que la vie est très, très, très difficile, mais pourtant, il y a des gens qui ont vécu des grandes souffrances sur la Terre, puis ils ne se suicident pas pour autant. Qui veut dire encore que dans une âme, il y a suffisamment de lumière pour qu'elle ne se suicide pas jusqu'à temps que cette lumière-là lui soit volée, puis que là, l'entité se suicide, elle rentre, supposons, dans une école, puis la personne tue tout le monde, comme c'était passé à Polytechnique, mais la personne se suicide aussi par après. Parce que l'acte de possession est tellement grand que elle se retire de la vie elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe avec des âmes qui ne sont pas capables de reconnecter avec la lumière, mais à un moment donné, ils sont complètement sous le joug luciférien et ils ont une capacité très, très forte de manipuler des entités pour amener des hommes vers la folie. Donc, l'astralisation d'une conscience, c'est pas pour rien que dans les grandes bâtisses, les hôpitaux, les hospices, il y a des personnes qui entendent des voix. Et est-ce que l'astralisation de ces gens-là est symptomatique de la mise en puissance de forces retardataires à l'époque présente? Oui, parce que autant le principe de l'Internet est utilisé pour divulguer l'information, la faire circuler, autant la noirceur a récupéré ça très, très rapidement pour s'en servir, pour augmenter. Tu sais, une personne, si on prend un jeune homme qui joue à des jeux vidéo, puis ça, il le fait en ligne, il est bien plus vulnérable à se perdre psychiquement que si, supposons, il était sur son Xbox qui est pas plugué à l'Internet nécessairement. Parce que le plan luciférien, si une personne a une vision psychique de la réalité, c'est quand on sait que le web, c'est peut-être 15 à 20 %, mais il y a beaucoup de sites web qui sont du underground, hein? Oui, il y a toutes sortes de niveaux aussi d'Internet. Il y a des sites publics, des sites qui sont pas publics. Donc, il y a vraiment, vraiment, tu sais, mais ça comme ça, là, il y a beaucoup de sociétés secrètes. Ça serait des formes de sociétés secrètes. Tu sais, dans le temps, les gens se rencontraient pour glorifier l'astral, la noirceur. Tu sais, ils faisaient des cérémonies, mais dans l'Internet, sous les rayons de Google, tout ce qu'on voit pas derrière Google, parce que c'est des sites qui ne sont pas ramassés par les moteurs de recherche, il y a du monde derrière ça. Puis le monde qui est derrière ça, c'est pas tout de toute beauté. Exactement. Fait que ça te donne une idée comment c'est difficile l'éthérisation d'une conscience, parce que il y a beaucoup de gens qui vont peut-être être surpris d'entendre ça, que les forces de noirceur sont très actives sur l'Internet, mais Une personne ne devrait pas être surprise de simplement regarder le nombre de sites vidéo porno qu'il y a sur Internet pour en voir toute la largeur et la grandeur, puis tout l'arnaquage qui se fait au niveau, qui va se faire dans les années à venir, au niveau de l'espionnage. Puis tu sais, le système mondial bancaire pourrait être, a déjà été intercepté avec Equifax dans les mois passés. Et il y a des gens, des agents, et si c'est pas prouvé, mais que les gouvernements sont influencés dans les élections par des hackers, OK, ça démontre à quel point l'aube de l'Internet, c'est un Far West comme était le Far West américain en 1800. Oui, avec les cyberterroristes, les cyberattaques, le cyberespionnage. Donc, ça se transpose dans le virtuel, les manigances qui avaient lieu en physique sur le plan matériel. Donc, il n'y a pas assez de lumière. L'homme n'est pas assez éthérique pour comprendre ça. Donc, une conscience éthérique, ça devrait être capable tout simplement de dire, moi, quand je vais faire quelque chose sur Internet, je sais exactement pourquoi je le fais et dans quelle optique je le fais. Ça veut-tu dire qu'une personne n'a pas allé sur des sites qui sont toutes légales? Non, elle peut aller voir pour en faire une étude, pour voir, elle, qu'est-ce qui vibre dans son mental en lien avec ça aussi? Tu sais, il y a des gens qui se privent de tout parce qu'ils ont de la crainte en lien avec ce qu'ils se privent. Donc, ce n'est pas nécessairement mieux. Il serait mieux de voir s'ils ont peur vraiment d'aller sur tel site parce qu'ils ont crainte de découvrir des choses en eux. Donc, à un moment donné, il faut que l'homme s'épure totalement. Quel est l'impact de l'astralisation versus l'éthérisation de l'homme sur son aura et sa structure énergétique? Ouais, c'est sur l'aura, la première chose, ça élève la vibration de sa lumière. Donc, l'aura va changer de couleur en relation avec, vu qu'il y a plus de lumière qui pénètre le mental de l'individu, cette aura-là a pour effet de devenir la couronne mentale de l'homme. C'est pas pour rien si au niveau de Nazarien, il y avait une couronne autour de son mental. Parce que l'éthérisation, ça veut dire ceci, c'est que l'âme ne vibre plus dans le corps mental de l'homme parce qu'elle a été élevée en vibration, cette âme-là, par l'ego à un statut universel qu'on appelle le périsprit, qui est la conscience cellulaire. Donc, la conscience cellulaire, c'est tout simplement la capacité de l'homme à vibrer à la cellule de son esprit et des éthers de lumière en lien avec sa manifestation d'avoir été créé pour devenir universellement parlant une autorité absolue sur la Terre en lien avec sa personne. Donc, quand une personne devient éthérique en conscience, son aura augmente, sa voyance sur la vie augmente aussi parce que la lumière qu'elle a, elle est connectée directement aux archives planétaires de ce que l'homme doit vivre en lien avec l'astralité. Donc, l'involution, lui, il la vit pas, mais il la voit de haut qu'elle doit encore servir l'homme. Fait que, il est jamais surpris. Et c'est pour ça que la conscience éthérique permet à une personne de se créer un jour sa propre lumière sur la Terre, puis de pouvoir avoir accès à des pensées que lui va donner une autorité en volonté, en disant par exemple, ceci, je le vois très bien se manifester et qu'il doit se produire, par exemple, dans 25-30 ans. Par exemple, je te donne un exemple, l'homme, supposons, il s'en va, une personne s'en va acheter quelque chose, puis elle revient chez elle, puis elle n'est pas certaine qu'elle va l'utiliser ou quoi que ce soit. Elle n'est pas assujettie aux lois de l'argent ou de l'astral. Elle regarde simplement, bon, je l'ai acheté parce que j'avais à l'acheter. Si je ne l'utilise pas, ben je ne l'utilise pas. Mais d'un autre côté, de l'avoir acheté ne m'empêche pas d'avoir vu que si j'ai un jour à faire cela, je vais l'utiliser. Et si je n'ai pas à l'utiliser, mais ben c'est pas grave parce que ça fait partie du mouvement. Donc, il y a pas de crainte dans le mental de l'individu. Elle accepte tout, c'est tout ce qu'elle fait, elle l'accepte. Elle n'est jamais dans le doute de penser qu'elle n'a pas fait la bonne ou la mauvaise chose. Elle ne vit plus la matière au niveau de la polarité ou d'être ambivalente parce que sa conscience lui permet toujours d'être libre. Elle regarde, bon, ben, elle a fait ça. Les conséquences de ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle sait dans son mental, c'est que sa pensée ne sera jamais pervertie dans le sens que, oh, ben, j'ai peut-être fait une erreur. Si elle pense ça, elle sait automatiquement qu'elle est sous l'influence, OK, de la mémoire morte en lien avec la polarité qui gravite autour de la planète Terre, qui est si forte pour la garder encore dans le doute de ce qu'elle peut être. Parce qu'il ne faut pas oublier, David, être sur la Terre puis être lumière, c'est doublement plus difficile quand il n'y a pas beaucoup de monde. Exactement, et ça m'amène à te poser la question, comment une personne peut aller à contre-courant alors que le collectif s'astralise pour s'éthériser? Ah, ben, c'est simple parce que la personne est capable de voir que l'homme ne peut rien pour l'homme. Et c'est ça qui lui permet, quand ça s'est intégré, que l'homme ne peut rien pour l'homme, il s'occupe de ses affaires. Puis, s'occuper de ses affaires, ça le ramène dans son aura à être très vibrant à ce qu'il ne peut pas faire pour alourdir dans la matière sa conscience, parce que d'un pas comme dans l'autre, la noirceur veut toujours le récupérer. Veut pas, même si c'est une conscience éthérique, la noirceur veut te récupérer. Leur objectif à la noirceur, c'est de faire certain que tu ne réussisses pas à amener de l'information sur la Terre qui leur enlèverait du pouvoir. Donc, toi, tu t'occupes de tes affaires et tu sais très bien que dans ton pôle de lumière, il y a aussi ta capacité de toujours converser avec la lumière en lien avec qu'est-ce qu'eux autres aussi font. Il n'y a pas un toi dans ce game-là. Hein? Il y a eux autres aussi qui sont obligés de manifester des énergies en lien avec la capacité de ne jamais te laisser, toi, en suspens face à la vie sur la Terre. Ce qui veut dire que quand ton aura est très vibrante, tu as accès à toutes les réponses. Puis, on est obligé de te donner la réponse que toi, tu vois en lien avec ce que tu sais. Ça veut dire que moi, si tu me posais la question, est-ce qu'il va y avoir encore énormément de souffrance sur la Terre? Bien, la réponse est évidente, c'est oui. Ça, c'est un peu facile. Mais si on me posait la question, est-ce que la lumière va intervenir très rapidement sur la Terre? La réponse, c'est aussi, on ne connaît pas le temps de pénétration de la lumière sur la Terre parce qu'on ne connaît pas non plus le temps de bouleversement ou de basculade que va imposer le choc frontal entre, supposons, une grande escalade de la noirceur sur la Terre. Puis une escalade peut facilement. On peut facilement parler des débordements des enjeux nucléaires. On peut facilement parler des enjeux de pouvoir entre les pays. Certains pays ont une haine proportionnelle à la destruction qu'ils veulent pour un autre peuple. Donc, ils sont capables de détruire un peuple. La haine est suffisamment grande dans certains peuples pour en détruire d'autres. Parce que le mandat de la lumière n'est pas d'empêcher que des peuples se détruisent. Son mandat, c'est beaucoup plus d'assurer que l'homme s'individualise. Donc, la lumière, son mandat concerne seulement certains individus. Oui, ça ne concerne pas les peuples. Mais les individus qui vont s'individualiser vont voir la grandeur, qu'il y a des peuples qui sont plus grands que d'autres en relation avec la capacité de manipulation ou de crainte qu'il y a dans leur mental qui est moins grande. Et c'est souvent l'éducation qui a amené ça, aussi le renversement de certaines croyances religieuses, traditionnelles, des mœurs, des coutumes, des valeurs. Tu sais, les Mayas n'existent plus aujourd'hui, mais le peuple mexicain est encore très croyant. C'est un peuple très, très croyant. OK? Donc, alors qu'en Amérique du Nord, si on prend les États-Unis, c'est un peuple encore aussi très, très, très croyant. Le Canada, ben, il y a, au Québec, la croyance est de moins en moins forte en lien avec la religion. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a encore suffisamment de lumière dans les auras présents pour assurer un renversement total des polarités. Ça va prendre du temps, le renversement total des polarités, mais plus il y a d'individus qui vont s'individualiser, plus l'aura du peuple va s'élever. Tu sais, l'aura d'une personne va rejoindre l'aura d'un peuple. Et l'aura d'un peuple va être reconnue internationalement à un moment donné parce qu'ils vont être avant-gardistes. Jadis, c'était la Californie qui était avant-gardiste surtout. Okay, dans les années 60-70, la Californie était toujours dans les grands bouleversements. Tu sais, tous les grands courants de pensée spirituelle ou de renversement ont beaucoup parti de la Californie jadis. La conscience, ça part du Québec. Et la conscience supramentale, ça part aussi du Québec. Ce n'est pas enseigné dans le monde, mais au Québec, il y a des individus qui en parlent abondamment, qui produisent du matériel, puis ils s'assurent que leur matériel soit disponible en capacité de libéraliser la parole. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui parlent de conscience supramentale vont être totalement ajustées. Chacun est dans une étape vibratoire en lien avec le passage de son astralisation vers l'éthérisation. Il y en a qui sont peut-être plus avancés que d'autres, mais en gros, ce que on reconnaît, c'est que le verbe est similaire. On ne parle pas d'astralisation quand on parle de conscience. On parle de désastralisation quand on est dans la conscience. C'est jamais dans la conscience, la pensée, c'est nous autres qui l'a. Non, la pensée vient d'ailleurs. Tout le monde s'entend qu'ils sont dans la conscience, que la pensée ne vient pas de soi. Mais comment chaque individu la capte, cette pensée-là, et en intercepte les profondeurs du mensonge cosmique qui est derrière une pensée astrale puis une pensée pure, ça peut être galvanisé un peu, selon ce que l'ego veut défendre, parce que lorsque l'ego n'est pas tellement désastralisé ou qui est encore dans certaines étapes de la crainte dans son mental, c'est certain que la crainte va être jumelée à un certain pouvoir que l'ego va défendre. Et supposons que tu parles avec quelqu'un qui est dans conscience, puis tu dis, regarde cet élément-là, il faut regarder, bon, mais c'est quoi le degré de pouvoir qu'une personne veut défendre sa réalité qui permet de tout simplement d'évaluer le niveau d'astralité qu'il y a encore dans l'ego. Puis quand on parle d'astralité, on parle aussi de crainte. Ça veut dire dompter sa propre astral. Il faut que l'homme dompte sa propre astralité. Puis quand il est mis en position où on lui crée des oppositions, il faut qu'il regarde qu'est-ce qui est mis en opposition dans sa conscience. Est-ce que c'est le mensonge? Ou est-ce que c'est tout simplement le pouvoir? Okay? Si, supposons, il entend que ce que l'autre dit n'est pas ajusté, il va accepter d'être un miroir pour l'autre, soit dans sa parole, soit dans son intervention. Mais s'il est dans le pouvoir, il ne donnera jamais de crédit à l'autre. Puis ça, c'est subtil. Ça fait que, il y a des niveaux du principe de l'amour qui doivent entrer et émerger dans l'homme pour qu'il soit vraiment d'une conscience éthérique, parce que qui dit conscience éthérique parle automatiquement de l'intégration du principe du volonté, de l'amour et de l'intelligence. Et tu ne peux pas passer à côté de ça. Dans un autre ordre d'idée, est-ce que l'être de l'évolution connaîtront une immunité psychique totale à l'égard des forces astrales et d'éventuelles attaques psychiques? Immunité, tu veux dire par là qu'il va être protégé? Oui, par la structure d'énergie éthérique. Ben si l'homme est éthérique, il a même pas besoin de se penser immunisé, parce que le feu de sa conscience brûle déjà toute perception vibratoire qu'on pourrait lui lancer en lien avec sa conscience. Donc son aura est tellement puissante qu'elle aveugle déjà ce qui veut le pénétrer. Donc tu sais, quand on parle d'aller dans le désert puis de mettre le pied sur la tête du serpent. Quand tu mets le pied sur la tête du serpent, ça représente quoi? Ça représente ultimement que dans ta conscience, il n'y en a pas de péché. Tu peux écraser tout ce que tu veux parce que tu sais ce que tu écrases. Donc la liberté de la culpabilité. Ouais, puis la liberté de la crainte aussi. T'es mandaté. Quand tu es dans ta lumière, quand tu es dans un feu cosmique, tu es mandaté à l'intérieur de ton propre statut universel en lien avec la capacité de composer avec l'évolution des sphères à générer sur la Terre de la lumière. Oui, et dans ce processus-là, est-ce que un individu qui intègre la vibration de nature impersonnelle et qui à ce moment-là, génère une conscience éthérique, peut convertir par la suite de l'énergie astrale d'une entité négative en énergie éthérique? Non, elle ne s'intéressera pas nécessairement à convertir, comme vous le dites, David. Elle va s'intéresser plutôt à dévoiler. Parce que la conversion d'une entité astrale n'est pas possible par l'homme. Ça, c'est un geste spirituel de penser que l'homme peut sauver l'homme. Et convertir l'énergie d'une entité astrale, ça veut dire que tu l'amènerais à voir le soleil sans qu'elle n'ait souffert ses propres polarités et avoir traversé elle-même son astralité. Le Christ a voulu faire ça pour l'homme, mais ça n'a rien donné. Si tu regardes les apôtres, là, Paul, Jean, Pierre, puis ça ne leur a absolument rien donné par la suite quand le Christ est parti. Ça ne les a pas rendus plus conscients de qui il était. Ils ont tout simplement été assujettis à la réalité qu'il y a un homme plus grand qu'eux qui a passé, puis eux autres ont pensé qu'ils n'étaient pas à la cheville de cet homme-là, alors que le Christ, c'est pas vraiment lui, le Nazaréen, qui l'a créé. Mais il aurait pu tout simplement lui dire, vous êtes aussi grand que moi. T'sais, si on prend un être conscient aujourd'hui, il doit mettre en vibration la lumière dans l'homme et non son astralité. S'il met en vibration son astralité, ça veut dire, par exemple, il va dire, un jour tu vas le savoir, tu vas y arriver. Puis là, la personne lui pose exactement une question où elle veut avoir une réponse pour se donner, elle, la définition de l'identité. Puis l'autre, tu dis, non, un jour, tu vas le savoir. C'est un geste, tout simplement, qui va à l'encontre de la capacité de l'homme de vibrer dans sa lumière en lien avec, d'amener de l'information et d'éclairer l'homme. Et parce que l'homme a le droit d'éclairer l'homme, mais s'il ne le fait pas, c'est parce que quelque part, il ne croit pas ou il ne pense pas que l'autre est aussi intelligent que lui, et il devrait savoir que l'autre qui est devant lui est aussi intelligent que lui. C'est juste que cette intelligence-là ne lui a pas été révélée. Parce qu'elle est bloquée par de l'astralité. Elle est bloquée par de l'astralité. Et c'est pour ça que l'homme n'a pas à convertir l'astral de l'autre, mais il a simplement à le faire vibrer à sa lumière. Ça se comprend, ça? Oui. Bon. Fait qu'en le faisant vibrer à sa lumière, il ne lui enlève rien. Il lui impose rien, mais il sait très bien que ce que l'autre peut être, ce n'est pas un ticoun qui va demander des réponses tout le temps. Un jour, à quelqu'un d'autre. Un jour, il va vouloir avoir ses propres réponses. Puis toute personne qui est dans la conscience supramentale doit amener l'individu, l'homme, la femme, à trouver ses propres réponses, en lui donnant, par contre, des pistes s'il peut l'éclairer. S'il ne peut pas, qu'il le dise aussi. Qu'il se dise, j'ai rien dans mon mental qui puisse faire une différence chez toi. Mais tu sais, juste le fait qu'on est ensemble puis on se respecte, c'est déjà un grand pas pour l'homme. Mais il y a des individus qui pensent qu'ils peuvent aider le monde ou si on te demandait, David, pourquoi est-ce que tu fais le travail que tu fais, tu aurais probablement une réponse très simple, tout comme moi, j'aurais une réponse très simple parce que le travail que je fais, c'est parce que dans ma parole ou dans ma conscience, j'ai la capacité d'élucider le mensonge et de voir derrière ce qui se cache. Donc, de garder ça pour soi-même, c'est pas plus intelligent qu'il faut. Une autre question. Est-ce que l'homme éthérique pourra se nourrir de l'énergie de la Terre au même titre que l'homme de l'évolution de matière? Déjà, quand tu parles de conscience, une conscience qui se désastralise est obligée de se nourrir de l'éther pour se désastraliser. L'éther, c'est qui? C'est l'esprit. L'esprit, c'est de l'éther parce qu'il n'appartient pas au rayonnement de la Terre. Il vient d'ailleurs. Okay? Il vient de la lumière. Mais la lumière, c'est de l'éther. Ce qu'on appelle éther, c'est tout ce qui ne se pense pas, mais qui est en constante évolution. Ça veut dire que le taux vibratoire de cet éther-là change tout le temps. Okay? Ton double, à un moment donné, est-ce qu'il peut plafonner? Il ne plafonne pas, mais ça ne veut pas dire qu'il peut avoir accès à des éthers plus vibrants que les tiens. Et c'est pour ça que l'homme, dans un processus de désastralisation de sa conscience, il était capable de se mettre en autorité contre son double. Et un jour, il voit très bien que les réponses qu'il a n'ont pas la vibration suffisante en lumière pour l'éclairer de ce qu'il veut savoir. Parce que lui, il ne sait pas un jour, son mandat avec l'homme, okay, cesse parce que l'homme l'intègre totalement. Fait que l'homme peut pas être sous les lois de l'esprit et sous les lois de l'éther. C'est pour ça qu'on appelle ça conscience éthérique. Donc l'homme est plus soumis à une contrepartie cosmique. Voilà. Bonne observation. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que l'homme a un statut d'être cosmique? Oui. L'homme a un statut d'être cosmique. Puis pour avoir un statut d'être cosmique, ça représente trois choses. Il peut parler sans mensonge. Il peut intercepter dans son mental toutes les vibrations, que ce soit du plan mental que du plan astral, sans en être affecté, sans que sa vibration soit changée. Puis la troisième chose, c'est qu'il est toujours imprégné de la réalité qu'il n'y a rien qui ne peut lui être caché. Donc, il est libre du mensonge cosmique. Il est libre du mensonge cosmique, puis il est capable de baigner dans les infinités de la vie en permanence. Et l'homme est très bien dans une conscience éthérique, dans les infinités de la vie, parce que la Terre est trop petite pour lui. Il n'y a pas, tu sais, si tu es assis dans ton salon puis tu regardes l'astralité, tu trouves ça long, hein? Ben oui, plus qu'on intègre la vibration de nature éthérique, et plus on perçoit avec force de pénétration psychique l'astralité de la Terre. C'est ça. Ça fait que là, tu as besoin de comprendre ou d'intercepter dans ton mental des éthers de lumière qui ne sont pas assujettis aux dimensions de la noirceur et qui ne sont pas aussi assujettis aux lois du temps. Tu as besoin, si tu me demandes dans 2500 ans, qu'est-ce qui va se passer, je préfère le savoir que ne pas le savoir. C'est dans cette optique-là que l'homme, il peut très, très bien composer avec la matière dans tous ses retranchements astraux parce qu'il est déjà dans l'infinité de ce qu'il sait. Et c'est pour ça que, tu sais, il est inattaquable du point de vue de sa conscience. Donc, ça revient au fait qu'il y a une forme d'immunité psychique. Ouais, si tu veux dire ça comme ça, immunité psychique. Mais je dirais plus, il est dans un feu cosmique qui brûle. Parce que si une unité, il comprend pas nécessairement son rôle. Une fois que tu es dans un feu cosmique, puis tu es sur la Terre, penses-tu que le but, c'est d'être dans une unité, puis de laisser le reste tranquille? Non. C'est ça. Donc, il y a un feu qui se dégage, puis si tu n'as pas un feu en lien avec ce que tu fais sur la Terre, tu es aussi bien de pas être ici, tu n'as plus besoin d'être ici. Tu serais plus utile ailleurs. Mais si tu as un mandat en lien avec ta parole, qui a un feu dans cette parole-là, tu sais très bien pourquoi tu es encore sur la Terre, puis quand est-ce que tu vas quitter le plan matériel. Ça peut être la mort de ton corps physique. C'est pas un problème pour l'homme, même s'il est dans une conscience éthérique, de mourir dans son corps physique, parce que il meurt, il est plus déjà plus dans son corps physique, il est dans sa conscience, son esprit. Fait que l'enveloppe qui reste sur la Terre, c'est une mémoire. Fait que, en gros, il est pas prisonnier de la corporalité. C'est donc, il est un feu là, dans une conscience cosmique. Ça dégage énormément de puissance. Puis cette puissance-là ne peut pas être tue. On ne peut pas la faire taire sur Terre. C'est certain qu'une personne qui parle en public doit savoir pourquoi elle parle en public, parce que automatiquement, si elle ne sait pas pourquoi elle parle, puis elle peut tout simplement sauter des étapes. Puis si elle saute des étapes, ce serait très difficile pour elle d'être récupérée par la suite, parce que son mental, ils disent les forces, son mental pourrait être non pas pulvérisé, mais terrorisé. Puis on en connaît, moi j'en connais des gens qui sont dans la conscience supramentale qui ont été terrorisés. Puis ils sont plus capables trop d'aller dans la lumière puis d'étudier des choses parce qu'ils ont été terrorisés par l'astral. Pas par la lumière. Ça veut dire quoi pour toi tout ça? Ben, ils ont été attaqués psychiquement, puis ils ont voulu aller trop vite, donc se sont fait récupérer par l'astral. C'est ça, il y a eu un enjeu d'orgueil dans le mental. Il y en a qui se mettent, supposons, à faire des incantations ou quoi que ce soit, ou de vouloir être plus conscient qu'ils sont, puis d'exiger de se mettre en colère contre la lumière, puis je veux voir, puis je veux savoir. Puis la lumière va toujours dire, quand tu pourras, tu sauras. Puis il y en a ils les mettent au défi. Fait que quand les personnes mettent la lumière au défi, ils ne savent déjà pas qu'ils sont astralisés. Tu peux pas mettre la lumière au défi. Explique-moi ça. Dans le sens que la personne ne peut pas, par un geste de bravade puis d'orgueil, contester l'intelligence de la lumière parce qu'elle est absolue. Ouais, tu peux pas défier la lumière. Tu peux défier l'astral, mais à un autre côté, tu défies pas l'astral non plus, parce que si tu défies l'astral, il va se présenter chez vous. Ça revient au principe que je disais tantôt. L'homme, il sait qu'il est lumière, il fait émaner sa lumière, il défie personne. Et puis, il ne demande pas à l'astral de se prononcer pour lui montrer qu'il existe. Il y en a qui ont déjà fait ça, puis ont été terrorisés aussi par la noirceur. Le but de l'homme, c'est tout simplement de s'intéresser à sa lumière, puis de questionner sa lumière. Puis supposons qu'il n'y a pas une réponse à ses questions, il va être obligé de développer sa colère, il va dire, tabarnak, je vais avoir des réponses à ça. Mais s'il donne un ultimatum à la lumière, il est mal foutu. Parce que là, il va s'attendre que la lumière y réponde dans X. Puis eux autres, penses-tu qu'ils vont répondre à un ultimatum de l'homme? Jamais. Pourquoi qu'ils le font pas? Répondre à un ultimatum de l'homme? Parce qu'ils ne voudront pas nourrir son orgueil. Ils voudront pas nourrir son orgueil. Ils voudront pas nourrir l'astralité qu'ils ne voient pas. Moi, là, il y a bien des gens qui pensent que je parle avec la lumière, puis j'aime ça parler à la lumière, j'aime la lumière. C'est pas une question d'aimer la lumière. C'est une question de quand tu interchanges avec des intelligences, puis ils t'offrent un bon point de vue, Chris. Si tu es intelligent, tu vas être capable de voir que c'est un bon point de vue. Le point de vue est toujours, toujours intéressant. On ne peut pas dire qu'il est plus intéressant que celui de l'homme, mais il est souvent plus intéressant que celui de l'homme en relation qu'eux autres, les infinités, y ont accès en permanence, étant donné qu'ils n'ont pas de corps matériel. Nous autres, c'est certain que si on est dans 250 ans, le discours qu'on va avoir avec les forces de la lumière va être différent, il va avoir été changé, comme il a changé depuis 1969. Donc, il ne faut pas voir que les gens imitent la parole d'autres initiés. La parole, le chemin est le même. Il y a des étapes de désastralisation, puis ça passe ultimement à la fin par tout ce que tu dis dans ta parole. Une fois que tu sais que ta pensée vient d'ailleurs, là, puis que tu l'as intégrée, ta parole, elle parle comment? Puis après ça, dans ta parole, il peut se glisser de l'orgueil, il peut se glisser de la culpabilité, il peut se glisser une émotion, il peut se glisser de la crainte, il peut se glisser de la supériorité, il peut se glisser n'importe quoi, de l'arrogance. Puis penses-tu que celui qui est arrogant va le savoir qu'il l'est? Ben, il se verra pas aller s'il est orgueilleux, justement, puis il se réfléchit. Rarement, rarement. Si je regarde le point de vue de la lumière là-dessus, je lui demande pourquoi est-ce que la désastralisation d'une conscience pour aller vers l'éthérisation, c'est si difficile. Et ils me disent ceci, parce que vous êtes obligé un jour d'accepter qu'on a un bon point de vue. Ça demande beaucoup d'ouverture, ça. Ça demande plus qu'une ouverture. Ça demande que ta lumière est déjà sur les plans. Pour converser avec de la lumière, il faut déjà que ta conscience soit sur les plans. Ça veut dire qu'il faut que tu aies vécu une mort psychique sur la planète Terre. Une mort psychique, c'est quoi? C'est que tu ne crains plus ta lumière et tu ne crains plus la noirceur. C'est ça la mort psychique. Ça ne veut pas dire que tu étais immortel. Ça veut dire que tu ne crains plus la noirceur et tu ne crains même pas ta lumière. Il y a des gens qui ont peur de savoir qui ils sont, mais il y a des gens qui préfèrent être pénétrés de la noirceur parce qu'ils craigneraient de savoir que tout ce qu'ils vivent, c'est faux. Ils préfèrent penser que c'est réel. Exactement. Il y a des gens qui ont de la difficulté à assumer la lumière qu'ils portent en eux, au même titre qu'il y a des gens qui ont eu de la difficulté dans le passé à assumer leur homosexualité. Oui, c'est cela. Puis de l'homosexualité, ce n'est même pas un problème de noirceur. C'est juste un problème d'incarnation en lien avec une énergie intégrée. Puis quand une personne comprend ça, que si elle peut intégrer son énergie sans culpabilité et sans. Parce que la sexualité diminue énormément dans un corps éthérique. L'homme est beaucoup en plus en contact avec une sexualité psychique qui est en lien avec la capacité de voir la lumière dans l'homme et de vibrer à sa propre lumière. C'est deux êtres qui sont en conscience cosmique, qui s'échangent des sensualités et des plaisirs au niveau de la sexualité, ne le font certainement pas pour vibrer émotivement leur corps sexuel. Ils le font pourquoi alors? Ils le font simplement pour rencontrer les étoiles cosmiques des éthers de l'autre qui sont mis en vibration dans cette lumière-là. C'est une éthérisation de la sexualité des deux individus. Ça veut dire que c'est le mental qui vibre et non le corps sexuel. C'est pour ça d'ailleurs qu'un jour, dans le futur, les gens, la sexualité, ce sera plus, va se passer au niveau des chakras de la gorge. Donc, ça va être une sexualité qui va être en lien avec la parole vibratoire. Aussi en les sons, l'émergence des sons au niveau de la sensibilité psychique des sons. Parce que dans une parole, il ne faut pas oublier le son. Tu sais, toi, très souvent, quand tu entends une parole, ah non, ça c'est off, c'est pas tout à fait ajusté. Puis c'est pas ce que la personne dit, c'est la vibration. Donc c'est l'éther des sons que tu captes. Est-ce que ça t'est arrivé? Je pense que oui, hein, David? Oui. OK. Fait que moi, j'ai toujours été capable de fonctionner. Il y a bien souvent, je ne peux pas écouter les gens. Mais je résonne dans la vibration de l'éther du son. Puis je suis capable de voir si il y a un chevauchement dans ce qui est dit ou de voir qui est derrière la vibration de l'information qui est amenée. Puis c'est pas toujours évident parce que quand tu passes de l'astralisation à l'éthérisation, ça fait partie du principe d'ajustement, ça aussi. C'est pas des tests, c'est qu'on va te montrer du monde qui ont vraiment un verbe là, vibrant, puis tu vas te dire tabarnak. Puis dans le fond, ça peut être coloré, mais coloré de quoi? C'est pas évident. Ça prend la capacité de percevoir les nuances. Puis tu sais que même si tu captes que l'autre peut être coloré de quelque chose, tu n'as peut-être pas à y dire non plus. Tu as peut-être rien qu'à accepter que, bon, ben, moi, ce que je perçois, faut que je le sache seul. Puis tu peux même pas le partager avec personne parce que encore là, tu t'intègres pas. Il faut à un moment donné que tu te converses avec ta propre lumière. Tu dis, Chris, sensibilité psychique, que je perçois telle chose. Là, tu demandes, je dis, ben, avec le temps, je veux avoir la réponse absolue et intégrale à cette réalité-là. Puis, en gros, tu vas être obligé de supporter la réponse à 99,9,9% parce que tu ne sauras jamais si l'autre va commettre un geste ou un faux pas parce que c'est peut-être d'une autre vie qu'il va le faire. Tu sais, l'Antichrist ou la personne qui peut venir sur la Terre puis qui peut dire qu'elle est dotée par la lumière puis qu'elle peut faire des miracles, il y en a une gang qui vont être subjugués par elle. Puis en réalité, l'homme qui est éthériquement conscient, comment il va savoir que celui qui fait des miracles présentement n'a pas l'autorité de la lumière pour le faire? Comment il va le savoir? Par vibration, on va savoir que sa vibration est off. Mais il va falloir. Mais peut-être qu'il ne saura pas que sa vibration est off parce que l'illumination de cette conscience-là va être tellement supportée par les planisphériens, elle va être tellement forte, la seule façon qui va pouvoir supporter le vide de tout cela, c'est de savoir en lumière que lui, il ne vibre pas à la réalité, OK, intrusive d'une grande orchestration qui est aussi laissée par la lumière pour savoir si l'homme sait vraiment qui il est. Asti, puis imagine là comment ça va loin. Les autres, ils prennent un homme qui va être avancé, puis ils vont l'envoyer sur la Terre, il va être amené sur la Terre, puis il va avoir la capacité de changer la planète Terre, supposons, sur un équilibre de 100 ans, de faire avancer toutes les formes, puis et imagine que cette personne-là soit révélée par après étant un double luciférien absolu. Asti de calice. Ça fait que la lumière, tu vois-tu qu'elles peuvent faire pas mal ce qu'ils veulent? Puis toi, la seule façon que tu vas le savoir, c'est que si tu poses à la lumière la question, ils vont dire telle personne, puis sais-tu ce qu'ils vont te dire? Vas-y. Ils vont dire qu'est-ce que t'en penses? Ils vont te laisser seul. Pourquoi? Ben, c'est ce qui va te permettre, en te définissant toi-même dans ta parole, de l'arracher, ta conscience éthérique. C'est pas, ils vont pas te livrer sur un plateau d'argent. Et s'ils veulent que l'homme devienne force oméga absolue sur la planète Terre, ça veut dire qu'il est une force de création sur la Terre. Ça se peut bien qu'il utilise des principes comme ça pour le faire rentrer dans une force oméga. Ça fait que ceux qui pensent savoir, là, je dis, il y a encore beaucoup d'études à faire. Tu comprends? Donc, je m'avancerai pas dans ça plus qu'il faut. C'est un caractère occulte de chaque conscience à se dévoiler elle-même en lien avec la capacité de vibrer à de la lumière. Mais tu sais, si on te disait, David, demain matin, tu peux changer la matière, est-ce que tu l'accepterais le mandat? Non. Non. Puis supposons que tu l'aurais, tu serais arrivé à une étape très avancée, puis tu serais, mettons, une conscience dans ta conscience éthérique totalement, puis tu pourrais changer la matière. Tu irais-tu dans le monde pour impressionner le monde? Pour le faire? Non, pas du tout. Je ne chercherais pas à être une bête de cirque. Ouais, parce que c'est ça, c'est très, très, très, très dangereux, hein. Nous autres, là, une des grandes difficultés qu'on a en tant que conscience, c'est que on sait très bien que la noirceur est très forte sur la Terre. Puis, si on pouvait, à quelque part, OK, créer des événements en lien avec la capacité des hommes de voir que la lumière veut descendre sur la Terre, on serait tenté de le faire parce que on trouve ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe sur la Terre. Mais quand on comprend que ça ne nous appartient pas, ce rôle-là, on se désengage. Une conscience éthérique va toujours se désengager de l'impression qu'elle doit faire quelque chose sur Terre. Elle sait ce qu'elle a à faire, elle va le faire, mais elle ne prendra pas pour acquis que c'est dans une totale absoluté qu'elle doit le faire, parce que ça se peut que ce soit une réalité qu'elle doit intégrer seule, de savoir qu'un jour, elle va pouvoir faire quelque chose sur Terre, mais que ce jour-là ne lui sera jamais révélé jusqu'à temps que le jour lui soit révélé. C'est très difficile de supporter une conscience éthérique sur Terre avec tout ce qui se passe présentement sur la Terre, parce que l'ouverture des plans de la lumière en lien avec amener de la lumière sur la Terre n'est pas faite à grande échelle présentement. C'est une petite échelle d'individualisation. Et ceux qui s'individualisent, encore là, ils peuvent être en compétition l'un contre l'autre. Ils peuvent être encore chevauchés par de l'astral qui va créer de l'opposition et de la division. Oui, parce que c'est très difficile, une conscience éthérique. Moi, j'aurais une réalité à dire aux gens ou à l'homme, c'est que ne mettez jamais de côté ce que l'homme dit. Si vous pensez tout savoir, et si vous pensez que l'autre, OK, n'a pas quelque chose à dire, vous vous trompez. Il y a toujours quelque chose qui doit être étudié et qui doit être dit. Donc, si une personne s'imagine que sa conscience va se développer sur rien qu'un pôle, puis elle a seulement besoin d'aller voir une personne, je lui dis, vas-y, mais ne sous-estime jamais aussi la capacité de la lumière de te mettre en vibration avec le fait on peut t'amener à penser d'une façon. Oui, exactement, parce que ça, c'est une attitude des fois qui est psychologique. Quelqu'un se renferme sur un gourou, que ce sera le maître Yana, le successeur du Christ ou même un initié. Même nous autres, au niveau de la conscience éthérique, David, même des gens qui sont dans la conscience, si l'homme fait l'erreur de penser que ce qu'il dit, c'est plus important que qu'est-ce que va dire quelqu'un d'autre, il va se réfléchir. Mais en réalité, si une personne dit, je fais ce travail-là parce que quelque part, j'ai la capacité vibratoire de le faire, et si les gens ont à reconnaître le travail, qu'ils le fassent, mais ça ne veut pas dire qu'une conscience a la vérité absolue. Ça veut simplement dire que le feu de la conscience supramentale ou de la conscience éthérique qui se développe sur la Terre est toujours jumelé à deux choses. Un, à la liberté et à deux, à la capacité de ne pas se croire. L'un protège l'autre. Moi, je suis dans la liberté, puis je crois pas ce que je dis. Mais je crois pas non plus ce que je dis pour être dans la liberté. C'est un, les deux. Et tout ce que je dis à soir, ça veut dire que si une personne vibratoirement connecte à son double, elle peut demander à son double, c'est quoi la qualité du feu que j'entends dans cette parole-là? Puis les deux vont lui dire, il y a une grande liberté, il y a une grande sensibilité, il y a ci, il y a ça. Puis la personne, c'est comme ça qu'elle peut identifier, ah, cette personne-là, je suis capable de l'écouter, j'ai peut-être un chemin à faire avec. Tu comprends? Oui, exactement. Que la personne vérifie intérieurement comment qu'elle vibre par rapport aux propos qui ont été tenus depuis le début de l'enregistrement. Qu'elle exige de sa lumière d'avoir une vibration prépersonnelle en lien avec sa conscience. Parce que moi, il y en a beaucoup qui connectent avec ma sensibilité. Il y en a d'autres qui vont connecter avec la sensibilité de d'autres, mais il y en a d'autres que c'est l'intelligence qui va les mettre en vibration. Mais ce que je dis, chaque personne a une sensibilité psychique, OK? Et l'intelligence qu'il va retrouver ailleurs va être du même acabit de lumière que l'autre intelligence, en autant qu'il n'y a pas de réflexion dans cette intelligence-là. Mais ce qui fait la capacité vibratoire de la parole, c'est la liberté. Si les gens n'entendent pas dans leur propre conscience la liberté qui leur est octroyée par le fait d'écouter une conférence ou un enregistrement, s'ils ne sentent pas cette liberté-là, ils doivent tout simplement dire, il y a quelque chose de pas correct. Mais si une personne dit, je comprends pas tout, mais je suis bien, c'est correct dans ce cas-là. Il y a de la liberté. Pas besoin de comprendre, non. Non, la personne n'a pas besoin de comprendre intellectuellement, elle a juste Donc, à vibrer. ça fait partie de l'éthérisation d'une conscience. Une personne qui veut comprendre ne pourra jamais s'éthériser. Elle donne trop d'importance à l'intellect. Faut pas essayer de comprendre. Faut juste rester dans la vibration. Mais lorsque on repose la question le lendemain, est-ce que je suis plus libre d'avoir écouté ça aujourd'hui qu'hier? Est-ce que je suis mieux dans ma peau aujourd'hui qu'hier? Si la réponse c'est non, la personne devrait avoir sa réponse. Oui, elle doit le savoir par elle-même. Elle doit le savoir par elle-même. Bravo. Ça fait partie de sa liberté psychique. Ouais. OK, sinon j'avais comme question, pour aller un peu plus loin, quel serait l'impact de l'éthérisation pour l'homme nouveau par rapport à son rapport avec les éthers de la Terre et également les constructions futures par rapport à l'évolution de l'humanité? Ouais, c'est une belle question parce que dans la conscience éthérique, l'homme, quand il se déplace dans la matière, il intercepte déjà les vibrations de lumière qu'il y a dans les lieux et les espaces. Il n'est pas assujetti aux éthers environnants qu'il y a dans un espace. Il est toujours dans le feu cosmique de son éthérisation en lien avec le centre de la Terre. Ça veut dire qu'il peut se trouver n'importe où et savoir que derrière une forme astrale, par exemple, si il se trouvait dans le triangle des Bermudes ou quoi que ce soit, à des endroits où il y a beaucoup plus de densité, de noirceur, il serait toujours qu'au centre de la Terre, il y a de la lumière. Donc, le but de l'homme, c'est de faire remonter cette lumière-là à la surface en faisant vibrer, OK, les canaux de diffusion en sa conscience éthérique et la dimension intemporelle des intelligences qui habitent la Terre. Parce qu'il ne faut pas penser que la Terre n'est pas habitée à l'intérieur. Elle est aussi habitée d'intelligences intemporelles pour s'assurer de la manifestation absolue des changements qui doivent survenir dans l'univers local et intergalactique. Donc, nous autres, on est très dense dans la matière et il ne faut pas voir la densité comme une réalité parce que l'éther ou une élévation du taux vibratoire d'un point lumineux sur la Terre représente toujours un centre de ressourcement. Donc, est-ce que ces points lumineux-là sont plus dans les centres-villes? Non, parce que la densité psychique est très grande, mais ça n'empêche pas l'homme d'aller dans les centres-villes et d'élever la vibration. Parce que lui, quand il rayonne, l'homme, quand il est dans sa conscience éthérique, il est obligé d'émaner de la lumière. Parce que sinon, il va subir l'environnement astral. Ça veut dire que l'impression ou la pénétration de l'émanation de sa lumière sur les éthers bouscule les environnements sans nécessairement que lui et à établir une colonne ou une descente d'énergie. Tu sais, quand le Nazaréen était dans, je pense que c'est Moïse qui a séparé l'eau en deux, c'est-tu ça? Oui, c'est Moïse, oui. Bon, ben, c'est un peu le principe, ce principe-là qui revient dans l'homme, mais ça, c'était tellement rempli d'impressions pour subordonner l'homme à de la religion que aujourd'hui l'homme ne s'y prendra pas de cette façon-là pour élever des éthers de lumière. Tu comprends? Exactement, mais est-ce que le simple fait de sa présence, implicitement, par exemple, s'il se trouve dans une ville, va altérer automatiquement les C'est éthers. que Oui. si on le parle impersonnel, c'est que la lumière ne peut jamais être pénétrée par la noirceur. C'est le même principe quand tu vas dans une ville. Mêlée comme ça. Donc, si tu peux pas être pénétré, ça veut dire que tu dois émaner. Donc, si les gens, faut pas que les gens aillent dans une ville puis ils commencent à se réfléchir, ah, j'ai mal, parce que déjà là, ils n'émanent pas. Ils sont réfléchis par l'astral. Ça marche pas comme ça. Tu sais, quand on parle des étapes que je dis avant de rentrer dans une conscience éthérique, une conscience éthérique, c'est libre de toute réflexion. Il n'y a aucune réflexion, c'est toujours une vibration. La vibration, c'est ta conscience, ton aura, comme tu disais tantôt, qui se déplace dans un éther. Que l'éther soit noir, que soit l'homme va le reconnaître, qu'est-ce qu'il y a autour. Puis supposons qu'il décide de changer de trottoir parce qu'il y a trop de noirceur sur un trottoir, bien, il va changer de trottoir. Il ne se donnera pas comme mandat, ben là, je vais passer par là, là, ça va faire du bien. Il joue pas le rôle de la lumière. L'homme là sur la Terre, il comprend très bien que la style marde qu'il y a sur la planète Terre, puis toute la noirceur qu'il y a sur la planète Terre, c'est pas lui qui est lié à ça. C'est les forces de la lumière qui ont décidé ça. Donc, autrement dit, il n'y a pas à compenser pour ça, puis jouer au sauveur pour dépolluer la psyché des villes. C'est ça. Ça fait partie de sa déspiritualisation de commander aux forces. Faites ce que vous avez à faire, tabarnak. Moi, je suis pas là pour faire votre crise de travail. Faites ce que vous avez à faire. Puis l'homme, lui, c'est certainement pas d'aller éthériser tous les univers de la Terre. Hein? T'es d'accord? Son job, c'est quoi? C'est de mettre en vibration la lumière de l'homme dans l'homme quand il rencontre, lorsque c'est pour lui, non pas un danger ou un obstacle, mais une rétribution de sa capacité à reconnaître que l'autre peut vibrer à la lumière. Puis ça, c'est toujours le fun pour l'homme de rencontrer quelqu'un qui peut vibrer à sa propre lumière. Pourquoi? Parce que ça participe à lui faire vivre de la beauté. Ça égaye sa vie. Ouais, c'est ça. Ça peut amener un peu. Tu sais, il y a des hommes qui ont des crises de belle sensibilité, mais tu sais, l'astral chevauche à 90%, puis là, tu as un petit 10%. Tu bénéficies de ce petit 10%-là qui peut égayer ta vie. Sinon, l'homme n'aurait plus aucun intérêt à vivre sur la planète Terre parce que, dans le fond, à un moment donné, quand tu meurs, tu as fait ce que tu avais à faire. Tu sais très bien que la plus haute vibration que tu vas avoir accès, c'est sur le plan de la lumière. Tu vas accepter de t'en aller jusqu'à temps que, y ait suffisamment un taux vibratoire élevé sur la planète Terre pour y rester. Donc, t'attaches pas de valeur, mais tu sais, moi, qu'on me dise aujourd'hui, ah, l'homme, il va être immortel aujourd'hui pour vivre sur la planète Terre, Christ, ça m'intéresse pas trop, moi, d'être immortel sur la planète Terre. Immortel en conscience, ça c'est différent, mais rester sur la planète Terre jusqu'à, tu sais, 250 ans, toi, Christ? Hey, tu veux revenir et être immortel en conscience quand tu vas pouvoir avoir les lois d'énergie de ton corps matériel, tu vas pouvoir dématérialiser à volonté, aller dans d'autres espaces-temps. Là, ça va être agréable, mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on vit, l'homme a de la difficulté à se guérir d'un petit rhume par lui-même, puis ou quoi que ce soit, on va passer l'éthérisation de la conscience matérielle de l'homme. Donc, autrement dit, l'immortalité de la conscience. Ta conscience éthérique ne meurt pas parce que ton verbe, ta parole, quand tu meurs, ça s'en vient avec toi. Tout ce que tu dis sur la planète Terre est entendu. Ils prennent des notes tout le temps, eux autres. Ils n'arrêtent pas de prendre des notes. Puis des fois, tu lui demandes si ce que j'ai dit à soir, c'est ça. Ils disent oui, c'est ça. Donc, ils n'ont pas intérêt à avoir des conversations avec l'homme pour le désinformer quand il est dans une conscience éthérique. Mais ils savent très bien que s'il est vraiment une conscience éthérique, il doit être capable de transcender dans sa propre parole la réalité que jamais il ne peut croire que tout ce qu'on lui dit, c'est réellement cela. Mais par vibration, il sait. Fait que si on te demande dans combien de temps tu vas faire telle chose, tu y crois pas. Mais par vibration, tu sais très bien que si tu vas avoir un enfant dans ta vie, par vibration, tu le sais. Tu ne le demanderas pas aux forces de la lumière si tu vas avoir un enfant ou un gars ou une fille, mais tu vas dire, ouais, c'est réel, ça. Puis si c'est réel, tu vas le supporter, puis tu vas le vibrer en lien avec le devenir de ta conscience, parce que ça fait déjà partie du développement de ta conscience éthérique d'avoir un enfant. Si tu n'en as pas, ce n'est pas un problème non plus. Si tu n'es pas en couple, ce n'est pas un problème non plus. Faut pas donner d'importance au couple cosmique plus qu'il faut, là. Couple cosmique, les gens là, qui sont pas en couple, inquiétez-vous pas, c'est pas la fin du monde. Mais ça, c'est un autre concept aussi. C'est-à-dire que des gens qui vont croire que le couple cosmique, c'est d'être en contact avec un autre être du sexe opposé pour vivre une forme de transmutation énergétique ou d'harmonisation avec cet être-là pour voyager dans le cosmos. Et toi, est-ce que tu abondes dans ce sens-là? Pas du tout. Ça n'a aucun rapport. Parce que sinon, on est toujours prisonnier de quelqu'un d'autre. Fait que la liberté est bien plus importante. Que tu sois en couple, que tu sois pas en couple, c'est pas important. Si tu es en couple, est-ce que tu es libre? Puis si tu n'es pas en couple, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es capable de respecter l'autre? Si tu es en couple, puis si tu n'es pas en couple, est-ce que tu es capable de respecter le fait que ta plus grande capacité de te supporter seul, c'est de ne jamais te réfléchir en tant qu'être lumière et de donner autorité à une valeur haute que de savoir que tout ce qui est cosmique, tout ce qui est intelligent fait partie de toi et qu'on ne peut jamais te demander d'atténuer ou de penser que tu dois rencontrer quelqu'un pour être ton hostie de soleil. Donc, autrement dit, la personne qui est complète par elle-même n'a pas besoin d'un Un soleil, complément. c'est un soleil, Ben, c'est ça. Chris. Fait qu'il n'y a pas besoin d'un autre soleil, Chris. Fait que l'illusion d'être en couple, tant mieux, parce que c'est une belle vibration, deux gens qui se respectent, puis qui partagent des éthers communs au niveau de la beauté, du respect, de la sensibilité, et de toujours regarder vers la capacité d'amener l'homme à vibrer à sa propre lumière. Tu sais, si en un couple, la personne n'a pas l'autorité d'être capable de voir que sa job, c'est d'assurer que l'autre ne vibre pas à sa lumière, mais qu'elle vibre à sa lumière. Tu sais? Fait que, that's it, hein? C'est couple cosmique, on s'en contre Christ. C'est beau le couple cosmique, par contre, parce que ça veut dire que ce que je viens de dire là, c'est en totale fusion. Mais l'un n'enlève pas l'autre, puis l'un ne donne pas à l'autre un avantage. Sinon, la personne n'a pas besoin de douce moitié. Non, non, non, non, non. Non, non, non. Tu sais, le mensonge, là, ce sera toujours de penser que le principe de l'amour, c'est lié au couple cosmique. Tu peux-tu m'expliquer ça? Oui, parce que le principe de l'amour doit émaner de l'individu dans son individualité. Il ne doit pas reposer son rapport avec un autre ou le Bravo. collectiver. C'est ça. Un principe d'amour, c'est tout simplement l'inversion dans l'homme de la crainte en lien avec son immortalité pour lui montrer que tant qu'il n'est pas immortel dans sa conscience, il ne peut pas vibrer le principe de l'amour parce qu'il n'est pas capable de voir l'autre dans son astralité ou dans son potentiel de lumière comme étant aussi grand que lui. Fait que il n'y a pas de réflexion dans ça. Fait que la capacité de l'homme d'éclairer l'homme en lien avec son intégration des trois principes, amour, intelligence, volonté, ça doit devenir à un moment donné sa force oméga. Cette force-là, ça fait partie du corps éthérique de l'homme, dans le sens qu'elle émane de lui et provient de lui dans sa capacité de créer de la pensée. Dans le sens que s'il voit un éther, il va dire, je vois tel éther et je mets mon mental dans cet éther-là pour simplement dire, je suis là. Ça veut dire ça que si tu es dans un endroit, puis tu sens qu'il y a de l'astralité, tu t'en vas au centre de ton mental, puis tu élèves ta vibration pour que ta vibration émane. Donc, c'est un peu ça créer au départ dans la force oméga, son propre feu. Tu comprends? Oui, par une émanation énergétique. de Et voilà. l'individu. Et cette émanation-là ne brime jamais rien. Pourquoi? Parce qu'elle est infusée dans le principe de l'amour. C'est pas un. Tu sais, tu émaneras pas plus que tu dois. Tu vas juste émaner selon ce que tu peux. Par exemple, tu sais, il y en a qui vont dire, ah, je vibre de lumière aujourd'hui. Ah, je vibre. Ben oui, tu vibres pas pantoute. Parce que la première chose, tu ne le sais pas. OK? C'est quoi la qualité vibratoire de ta lumière tant que tu n'es pas capable de l'intégrer totalement? Donc la personne n'en est pas vraiment consciente, puis là elle l'interprète, puis elle réfléchit. Ouais. Fait que tu sais, si tu me demandais c'est quoi un être de lumière, ou c'est quoi de la lumière dans un être de lumière? Tu me dirais, ce serait quoi, toi? De la lumière dans un être de lumière, c'est quoi? C'est de l'énergie de nature impersonnelle qui vibre. C'est ça. Donc, c'est un feu qui est toujours là, qui s'éteint jamais. Fait que, tu sais, c'est ça, de la lumière. C'est un feu. Ça veut dire que ça roule tout le temps entre les trois principes lumière, qui sont ceux de l'intelligence, de la volonté et de l'amour. Ça veut dire que c'est une spirale continue tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qui s'élève vers le haut. C'est pour ça la force oméga. Et est-ce que l'individu qui s'éthérise va pouvoir Ouais. voyager en conscience éthérique dans le cosmos? Ouais, moi, là, je te dis, David, la seule capacité d'éthérisation que l'homme est certain, c'est dans matière. Quand il parle avec la lumière, il est déjà en conscience éthérique. OK? Puis s'il veut voyager dans le cosmos, aller visiter d'autres endroits, je vais demander à la lumière qu'est-ce que ça peut faire, ça. Une personne qui a la capacité éthérique d'aller dans d'autres endroits dans le cosmos, mais qui est aussi sur la Terre. Il peut venir, mais pas trop. Pourquoi tu penses qu'ils disent ça? Parce que ça va, moi ce qui me vient en tête, ça va amener une instabilité dans ses corps énergétiques. C'est ça va trop le dédensifier trop rapidement. Il pourra plus après ça rester sur la Terre. Mais ce Tu qui peut, ouais. peux y aller dans les infinités, tu sais. Tu peux y aller, tu peux. Tu sais, en conscience astrale, quand tu es dans le rêve ou quoi que ce soit, en conscience, tu sais, avec ton esprit. Moi, je m'intéresse pas trop à l'occulte de l'énergie parce que je suis pas mandaté en tant que conscience pour intercepter l'atome cellulaire de la Terre. Y en aura-t-il de ces êtres-là? Y en a-t-il présentement sur la Terre? À petite échelle, il y en a qui sont certainement capables d'éthériser un petit peu plus la cellule atomique de la Terre, mais je me garde une gêne dans la réalité que la parole sera toujours l'endroit pour moi, dans ma conscience, où je serai le plus en sécurité dans l'harmonisation de ma conscience. Pourquoi? Parce que la parole, c'est prépersonnel. OK? Ce que je peux faire dans matière, j'ai jamais l'absolue liberté de lumière que c'est vraiment ça que je fais. Mais dans la parole, je sais que ce que je dis, et j'ai la vibration absolue de ce que je sais de ce que je dis. Tu comprends? Oui, mais ça peut être intéressant d'amener ça avec un peu plus, avec un mettons un exemple concret, là. Pour qui? Ah, tu vois, ça a coupé. Là, on ramènerait ça au niveau de l'âme, là. Ouais. Parce que au niveau de la parole, moi là, j'aime parler parce que ça pénètre tous les champs de conscience de la Terre. Mais si j'utilise un champ magnétique d'énergie en lien avec la force oméga au niveau de. C'est pas de la visualisation, c'est tu prends ton feu, tu l'amènes dans tel éther. J'ai pas la certitude absolue de savoir ce que je ferais. Donc je préfère parler. Ouais, ben c'est tout à fait logique. Alors, je suis pas un voyant de la forme. Je suis seulement une conscience visionnaire par le son de la parole. Et par rapport au son, est-ce que la réverbération de la parole de quelqu'un qui manifeste une conscience éthérique va amener des descentes d'énergie qui vont attirer des âmes avec une vibration particulière sur Terre? Non, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. La parole de l'homme nouveau, c'est pour mettre en vibration la lumière dans les hommes qui s'individualisent. Puis eux autres, aussitôt que leur mental se met en vibration, ce qui le tourne autour est automatiquement dévoilé. Ça veut dire que ça crée de l'espace dans leur mental pour que leur lumière monte en vibration. C'est ça le but. Et quand que il y aura plus d'individus qui vont émaner de leur propre lumière, le plan de la mort va en bénéficier parce qu'il va y avoir plus de lumière qui va pénétrer là. Puis il y a plus, les entités vont finalement se faire éduquer de la réelle. OK, mais est-ce que ça va avoir une incidence sur le cycle des réincarnations sur Terre dans les Oui, prochaines... Oh, bon, mais OK. c'est certain, c'est certain. Et très rapidement, les forces de la lumière vont avoir à composer avec la délocalisation de milliards d'âmes. Donc, sans rentrer dans un sujet occulte, c'est certain que ça rejoint ce que je disais au début. Il y a, pour éthériser la Terre, il y a trop de densité. Puis quand on parle de conscience éthérique, ça veut dire que quand tu traverses tes mémoires, tes craintes, ça veut dire que tu as beaucoup moins de densité. Tu vis beaucoup plus ta vie au niveau du mental parce qu'il n'y a rien qui vibre en bas de ton mental. Donc, les âmes qui vont s'incarner, ils vont avoir une capacité très rapide de saisir rapidement l'information puis de l'amener à... OK? Donc, c'est pour ça qu'on a tout le temps dit que les enfants dépassent toujours leurs parents en général. Sinon, on aurait un problème. Oui, parce qu'il n'y aurait pas d'évolution possible à ce C'est moment-là. ça. Tu sais, puis ceux des fois qui sont prêts qu'un parent qui était plus intelligent qu'eux, ça se voit tout de suite. Ils souffrent énormément du parent. Je regarde, c'est pas son cas, là, mais tu prends un homme comme Félix Leclerc qui a eu des enfants. Ça doit être dur de trouver sa propre vibration quand tu as été sous le joug de Félix Leclerc. Okay. Mais tu as son fils qui fait des très beaux films, un de ses fils, Félix. Qui fait des trois beaux films que j'ai vus, les deux pieds dans l'eau, je crois. C'est magnifique, tu sais, comme film. Donc, ça donne une idée de la beauté de certains êtres. Puis c'est pour ça que l'esprit aime ça relaxer, en se générant à travers la beauté de la lumière dans d'autres individus, parce que un exercice de création en réalité, c'est quoi dans l'homme? C'est la capacité d'amener de la beauté. Aussitôt que tu amènes de la beauté, tu peux parler de création. Fait que toute la musique qui se fait, il n'y a plus grand beauté là-dedans. Là. Mais ces gens-là, ils disent, ah, j'ai créé une nouvelle pièce. Oui, c'est ça. T'as rien créé, tu fais juste manipuler de la mémoire puis des émotions pour mettre ça dans un courant. De son et d'énergie qui va faire vibrer les âmes à telle réalité. Quand tu es dans la beauté, tu fais vibrer la sensibilité psychique de l'être à sa propre lumière. C'est pour ça, des fois, il y en a qui disent, ah, l'homme est quand même beau. Tu sais, l'être humain est quand même beau parce qu'ils sont mis en vibration avec quelque chose de très beau. Donc, en réalité, c'est de la beauté, tu sais, mais c'est rare. Tu sais, c'est très, très rare que les gens vont être mis en contact. OK, il y a plein d'exercices. Tu sais, je te donne un grand ballet, le ballet canadien. Tu vas voir du ballet. Puis, il peut y avoir dans un spectacle de ballet une sensibilité qui va venir te mettre en harmonie vibratoire avec la beauté de l'homme. Mais de penser que tout ce que tu vois, là, c'est de la beauté. T'as vraiment un long chemin à faire dans les étapes de la désastralisation de ta conscience, parce qu'il faut que tu vois Mais la telle petite fille, là, elle souffre de telle chose. Tel autre souffre de telle chose. Tel autre. Tu sais, tu t'en vas pas à un balai pour étudier les gens. Mais si tu vas dans ta conscience, tu sais tout. OK? Qu'il n'y en a pas un qui n'est pas sous les lois astrales de l'âme qui fait du ballet jazz ou du ballet. Pourquoi? Parce que la conscience, elle passe pas par le ballet. Parce que dans le ballet, il y a une autodiscipline, il y a une rigueur que tu dois avoir, il y a aussi quasiment des entités anorexiques pour que tout le monde soit mince, mais il peut y en avoir une qui, dans son talent, elle fait vibrer psychiquement sa propre lumière parce qu'elle est libre dans son talent pendant l'espace de 10 minutes dans son spectacle, puis à la fin du spectacle, ben là, elle vibre émotivement parce qu'elle a aimé la réaction du public. Puis tu sais, tu comprends? Oui, elle va se réfléchir, mais il y a peut-être quelques moments fugaces. C'est ça. Fugace, ce serait peut-être le mot. Puis l'homme conscient qui est dans une conscience éthérique, il capte tout ça. C'est pas un con, là. Ça souhaitait. C'est comme écouter un film. Tu vas savoir pourquoi tu pleures quand tu pleures. Même si c'est complètement con le film que tu écoutes, ça peut être de la bêtise, tu sais. Tu écoutes, je sais pas moi, un film avec Lino Ventura, là, dans les années 60. Puis le film est complètement, tu sais, fou, mais. Ou Louis de Funès. Puis il y a un moment d'esprit dans ça qui te met en vibration, puis t'as un plaisir. Juste, tu sais. Parce que sinon, l'homme, même s'il serait d'une conscience éthérique, puis il pourrait pas avoir accès à ça, il serait pas intéressé d'être sur la Terre. Parce qu'une conscience éthérique, ça veut dire que tu vois tout, tu sais tout. On peut pas te passer aucune vibration que tu connais pas, tu connais tout. Donc, ça sous-entend que c'est une conscience qu'une forte pénétration psychique. Oui, tu as une voyance psychique et absolue de ce qu'est-ce que c'est une vibration astrale, qu'est-ce que c'est de l'âme, qu'est-ce que c'est de l'esprit, qu'est-ce que c'est de la lumière, qu'est-ce que c'est de l'éther, qu'est-ce que c'est le principe de l'intelligence, la volonté, de l'amour. Tu sais aussi qu'est-ce que c'est des intelligences, des OK, tu sais aussi qu'est-ce que c'est de l'infinité. Tu connais la profondeur des abysses universelles de la planète Terre. Tu connais la réalité infinie des univers parallèles en lien avec le développement de la conscience jupitérienne de l'homme sur la Terre. Il n'y a rien que tu sais pas, mais tu n'es pas obligé de tout le temps le parler, là. C'est ça la nuance. Exactement. Et en lien avec ce que tu dis, je proposerais là, de compléter l'enregistrement, à moins que tu aies quelque chose à rajouter. Non, c'est bon. Donc, ça a été un plaisir de discuter avec toi. D'accord, David. Au revoir. Au revoir.